Gates'ı. Sevmiyorum. C'est pas possible si c'est désaccordé là. Attends. Je... Oui. Mais le noise c'est plus confortable. Et métronome. Merde, j'étais en...